Vous écoutez France Culture. La trop brève histoire de Marion Dufresne et des Maoris. 9 mai, 13 juillet 1772. De Delphine Morel. Quatrième épisode, le manuscrit. Sur la recommandation du tatoueur Derek, Delphine a rencontré à Auckland le chef Kingi, un Akpui de la baie des îles, ouvert au dialogue et féru d'histoire. Il a le visage tatoué à l'encre bleue. Les Nakpui sont une des premières tribus maoris à avoir échangé avec les Européens, et notamment avec l'équipage de Marion Dufresne. Kingi interroge Delphine sur les événements rapportés par les Français. Il lui révèle qu'un événement, qui a échappé à la compréhension des Français, a causé de graves perturbations. Et aussi qu'un manuscrit inédit de 1830 renferme le seul récit maori connu sur ses premiers contacts. Je programme le GPS pour me rendre à Manawaora Beach. J'ai envie de découvrir la baie des îles où mon ancêtre a vécu avec les Maoris et de me rendre à Waitangi, le village Nakpui de Kingi. C'est un soulagement de quitter Auckland et de voir le pays. En roulant, je récapitule les événements qui s'enchaînent à partir du 11 juin 1772 et qui précipitent le terme de la rencontre. Enseigne de vaisseau Chevillard de Montaison. J'attends qu'il fasse clair pour aller faire mon lest. À peine je descends à terre que plus de 100 hommes armés de sagaies, de massues et de casse-têtes nous assaillent. Ces sauvages veulent nous empêcher de faire du lest, croyant que les pierres que nous ramassons sont pour la guerre. Ils ne cessent de demander M. Marion. De retour sur le bateau, M. Marion dit que les natifs se sont alarmés car nous sommes allés à terre de grand matin. Enseigne de vaisseau roux. 12 juin 1772. Le chef du village de l'île Marion vient me rendre visite. Il est très surpris de voir les espingoles monter sur leur chandelier. Il me demande quel en est l'usage. Je lui fais entendre qu'on peut mettre 8 ou 10 balles dedans. Il comprend très bien ce que je lui dis. Il en marque de la frayeur. Il examine tout avec attention et me demande même à entrer dans la tente des malades. Je vais l'après-midi à la chasse avec un volontaire et me rends dans le village de ce chef. Nous y sommes bien reçus. Ce chef me fait différentes questions. Il m'a vu tuer des oiseaux, mais il ne croit pas qu'on puisse tuer un homme avec un fusil. Il me fait signe de tirer sur un chien. Je tire et le tue. Il examine le chien avec le plus grand soin et vient ensuite regarder le fusil. Il fait comme moi et met en joue un autre chien en soufflant pour faire partir le coup. Je ne cherche pas à l'instruire davantage. Garde de la marine du Clemmer, 12 juin 1772. Le 12 juin, je demande à M. Marion un supplément d'armes et de munitions qu'il paraît me donner avec regret. Il me dit qu'on doit être indulgent avec des peuples qui ne connaissent ni le tien ni le mien, ce qui est un vol chez nous n'en étant pas un chez eux. Que d'ailleurs, peu de jours avant, un chef l'a accueilli et lui a rendu le fusil dérobé au camp de Mature. Enseigne de vaisseau Chevillard de Montaison. 12 juin 1772. L'après-midi, Marion fait apprêter son canot pour aller à la pêche. Il s'aperçoit qu'on y a mis des armes. Il les fait remonter et emporte avec lui seulement son fusil de chasse. Il est prêt à embarquer quand un des natifs que nous avons à bord se jette à ses pieds en se cachant de ses camarades. Il lui dit en pleurant « Marion Takuri Mate Tera » qui signifie « Marion, si tu vas à terre, Takuri te tuera ». Je prie Marion de faire attention, mais il répond que cet homme se trompe, que des gens à qui il n'a fait que du bien ne peuvent avoir l'intention de lui faire du mal. Lieutenant en second Ledez, 12 juin 1772. En fin d'après-midi, notre maître d'équipage va au village sur l'île Marion et pour la première fois, les insulaires lui refusent l'entrée. Enseigne de vaisseau roux. Le soir du 12, avant d'aller me coucher, je donne l'ordre aux factionnaires de m'éveiller si les naturels reviennent. Une heure après minuit, ils me réveillent car les naturels descendent de la montagne en grand nombre. Je suis surpris de voir près de 400 hommes qui avancent à grands pas en direction de nos tentes. je fais aussitôt placer les espingoles en carré. Comme il fait un beau clair de lune, les naturels voient nos armes et se couchent dans les fougères. Il me serait facile de tirer sur eux et d'en tuer beaucoup, mais je ne veux pas les attaquer le premier. Monsieur Marion nous a recommandé si fort de ne pas leur faire de mal. Le reste de la nuit, nous faisons bonne garde et ils se retirent. Je suis persuadé que c'est la crainte des espingoles qui les fait reculer. Si ces hommes étaient plus entreprenants, ils nous mettraient hors d'état de sortir du pays, car les gouvernails de nos deux vaisseaux sont sur l'île et nous avons 60 scorbutiques qui ne peuvent pas marcher. Enseigne de vaisseau Chevillard de Montaison, 13 juin 1772. Le soir, nous sommes très inquiets. Monsieur Marion n'est pas revenu. Comme il a projeté d'aller visiter l'établissement de la mâture, nous espérons qu'il y passe la nuit. Nous restons dans cette incertitude jusqu'à 7 heures du matin, le 13. Nous apercevons alors un homme qui se sauve à la nage. J'envoie immédiatement la chaloupe pour lui porter secours. On récupère un des chaloupetiers du Castries, dont tous les camarades se sont fait massacrer en allant chercher du bois à terre. À n'en plus douter, M. Marion et son équipage ont subi le même sort. Enseigne de vaisseau roux. Au matin, je vois un chef de la grande terre que je connais s'avancer seul et sans arme apparente. Je vais à sa rencontre. Je m'aperçois qu'il pleure. Il me dit « Takouri, Maté, Marion ». Je pense « Takouri veut tuer Marion ». Le chef repart quand il voit la chaloupe du mascarin approcher avec du renfort. Lieutenant en second, Ledez. Un renfort est arrivé sur l'île fort à propos. Toutes les hauteurs sont couvertes de naturel. L'officier du mascarin pense que M. Marion a été assassiné la veille avec son équipage. 16 personnes au total ont disparu. L'officier avait ordre aussi de voir s'il n'y avait point quelques-uns des nôtres à sauver le long de la côte. Il est passé devant l'anse de Takouri et a vu le canot de M. Marion. Beaucoup de naturels lui font signe de venir. Il a reconnu sur un chef la veste de velours tigré que portait notre commandant le jour où il a disparu. Enseigne de vaisseau roux, 13 juin 1772. Takouri a tué Marion, et je vois avec la plus vive douleur que cela ne peut être que trop vrai. Je suis traversé d'émotions diverses, vagues de pitié, d'horreur et de revanche, mais je ne peux rien entreprendre pour le moment. Je peux seulement plonger dans la pensée de cette terrible catastrophe qui nous a pris un homme que l'on peut regretter pour de multiples raisons, regretter aussi les hommes braves qui ont partagé son infortune. Monsieur Marion avait toutes les qualités d'un premier marin, une grande douceur et la plus grande honnêteté. Personne n'était plus capable que lui de faire régner la paix, l'union, et d'établir le bon ordre sur le bateau. Tout d'un coup, je ressens l'énormité de la perte et son côté irréparable. L'hôtel que j'ai réservé à Opunga Cove, dans la baie de Manawaora, est une suite de petits bungalows en bois au bord de l'océan. Je vais plonger dans les vagues sans même avoir défait ma valise. L'océan réveille mon corps engourdi. Marion aimait cette baie, il avait du goût. L'endroit est sauvage et l'océan apprivoisé. C'est dans ce paysage scénique que lui et ses hommes ont trouvé la mort. Que s'est-il passé ici il y a 240 ans ? Qu'est-ce qui a provoqué la disparition subite de Marion ? Quelle est cette grave perturbation dont Kingi m'a parlé et que les Français ne rapportent pas dans leurs journaux ? Je commande au petit restaurant de la plage des huîtres gigantesques, comme on les imagine de l'autre côté du monde, de la même famille peut-être que celle que Marion ramassait ici. Enseigne de vaisseau roux, 13 juin 1772. Les natifs commencent par nous insulter en criant qu'ils ont tué M. Marion et qu'ils en feront autant de nous. Ils prennent leur casse-tête en criant « Marion Maté ». À la tête de tous ces hommes, il y a les chefs qui venaient parmi nous et qui nous montraient beaucoup d'amitié. Parmi eux, je reconnais Takouri, l'auteur de ce massacre. Il me nomme plusieurs fois en me faisant signe de venir. Je lui fais les mêmes signes. Il a l'audace de s'approcher. Le voyant donné dans le piège, je m'approche avec 10 soldats. Je fais aussitôt tirer en recommandant de l'ajuster. Il est atteint. Nous le voyons tomber. Ceux qui l'accompagnent l'emportent. Je ne sais pas si Takori a été blessé à mort, mais il n'est pas réapparu depuis. Garde de la marine du Clemmer. J'expédie la chaloupe à l'établissement de Mature, où elle arrive fort à propos. Le poste est entouré de plus de 500 hommes, tous armés de sagaises et de massues. Apercevant la chaloupe, il gagne les montagnes voisines en criant « Marion Maté !» Lieutenant au second Ledez. La première chose que nous faisons après leur avoir appris la triste nouvelle est d'avertir M. Crozet qui travaille dans les bois. Il juge qu'il n'est plus possible de faire avancer les mâts et fait enfouir tous les outils et ustensiles qu'il ne peut pas emporter avec lui. Ensuite, il nous rejoint à l'établissement de Mature, avec tout son monde. À peine a-t-il fait un peu de chemin qu'une vingtaine de Zélandais cachés dans les bois s'emparent de tout ce qu'il a laissé. Nous décidons de réembarquer. Nous sommes près de 100 personnes et nous n'avons à notre disposition que la chaloupe du mascarin et un mauvais canot. Crozet et ses hommes espèrent ne pas avoir à tirer pour couvrir leur retraite. Mais des dizaines de guerriers se sont amassés sur la plage et attendent pour intervenir. Au moment où Crozet réembarque, les guerriers se ruent en masse, chantant un haka et lançant des projectiles. Capitaine en second Crozet. Il est nécessaire de faire comprendre à ces malheureux la supériorité de nos armes. Je dois faire stopper la charge et j'ordonne à mes soldats de tirer sur les chefs qui sont plus excités que les autres. La fusillade dure plusieurs minutes. Les natifs voient leurs chefs et les leurs tomber de la manière la plus insensée. Ils ne réussissent pas à comprendre comment ils peuvent mourir avec des armes qui ne les touchent pas. À chaque fusillade, ils redoublent de cris. Nous pourrions en fait tuer chacun d'eux si nous voulions continuer à tirer. Les natifs vivent leur première expérience du feu. Ils entendent le bruit et voient l'éclair. Ils voient le sang jaillir des blessures. Ils ne voient pas ce qui les tue. Ils ne savent pas encore que l'époque du corps à corps et de la proximité physique avec l'adversaire se termine. Dès 1815, les tribus auront acquis leur premier fusil et ils ne souffleront plus sur le canon pour tenter de faire partir le coup. La mort s'administrera alors facilement. Elle sera prête pour faucher non pas des dizaines, mais des centaines d'hommes dans une suite de guerres tribales particulièrement meurtrières. Le soir, dans ma chambre, je récupère mes courriels. J'ai reçu un message de la Turnbull Library. Le bibliothécaire a retrouvé le manuscrit. Son auteur, John White, un Anglais, a publié 6 volumes sur l'histoire ancienne des Maoris. Il a laissé à sa mort plusieurs manuscrits inédits, dont ce témoignage maori sur le voyage de Marion Dufresne. L'informateur de John White appartenait à la tribu des Natpui. Le manuscrit numérisé apparaît sur mon écran. Je ne le lis pas tout de suite. J'allume la bouilloire électrique. Je me prépare un thé. Je sors quelques minutes pour écouter la rumeur de l'océan. La voici la part manquante, l'autre vérité, le contrepoint qui fait défaut à chaque page du récit des Français. 2 bateaux apparaissent dans la baie. Ils atteignent l'île de Motuaroya et jettent l'ancre. Leurs équipages viennent à terre. Leur chef s'appelle Marion. C'est un homme imposant. Marion et ses hommes échangent des biens contre de la nourriture maori, des kumuras, du poisson et des oiseaux. Ils restent sur le rivage longtemps. Les maoris les traitent bien. Ils mangent ensemble. Les étrangers dorment dans les maisons et les maoris dorment sur les bateaux. Un jour, les étrangers vont poser leur filet dans la baie de Manawaora. La plage est tapou pour les gens de Takuri, ceux qui vivent à Wangamumu. Plusieurs hommes de Takuri se sont noyés dans la baie des îles et leurs corps ont été repêchés sur cette plage. Bien que les gens des Naktipu aient mis en garde avec colère les étrangers que la plage d'Opunga est interdite, les étrangers n'en tiennent pas compte et posent leur filet. Les Naktipu sont très effrayés. Ils ont peur d'être attaqués par les gens de Takuri qui vont leur demander une compensation pour la violation de leur tapu. Les Naktipu deviennent très tristes. Ils ne rendent plus visite au bateau et n'échangent plus de pièces de fer contre du poisson, des oiseaux ou une journée de travail à couper du bois de chauffe. Voici donc l'offense la plus grave que les Français ont commise. Et ils l'ont commise sans s'en rendre compte. Marion aimait pêcher dans la baie de Manawaora. La plage d'Opunga était tapou à cette époque, c'est-à-dire interdite. Des membres Nakpui du groupe Teikutu'u s'y étaient noyés et avaient été rejetés sur la plage. Certains rituels funéraires devaient avoir lieu afin que l'esprit des morts puisse s'éloigner. Le 7 juin, Roua a accompagné Marion dans cette baie et ils ont pêché ensemble et mangé des huîtres. Ils ont posé leur filet sans respecter les interdits, bien que des Naktipu les aient mis en garde. Capitaine en second Crozet, 8 juin 1772. Le jeune sauvage pour qui j'ai développé une affection réelle et qui m'a montré un attachement sincère vient me rendre visite. C'est un beau jeune homme avec une expression douce et souriante. Aujourd'hui, il semble triste d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. Il m'a apporté des présents, des ornements sur du jade que j'ai exprimé le désir de posséder plusieurs fois. Je veux le payer avec du fer et des mouchoirs rouges qui, je sais, lui plaisent beaucoup, mais il refuse. Je veux qu'il reprenne le jade, mais il ne veut pas. Je lui offre à manger, mais il refuse à nouveau. Il repart très triste et me fait comprendre qu'il ne reviendra pas. Voici la pièce du puzzle qui manquait. La violation par Marion Dufresne lui-même du tapou de la mort. Marion n'a saisi ni la nature de l'offense ni son côté irrémédiable. Problème de traduction, malentendu, ou entêtement d'un homme qui aimait trop les parties de pêche. À cette époque, les Maoris vivent dans un monde spirituel très fort et croient aux puissances invisibles. Ce qui frappe dans le récit des Français, c'est à quel point ils sont restés ignorants des cultes Maoris et des passerelles établies entre le monde des vivants et des morts. Enseigne de vaisseau roux. Premier jour de juin 1772. Il me paraît qu'ils pratiquent un culte. Je remarque que chaque fois qu'ils couchent à bord, ils ne manquent pas de se lever à une certaine heure de la nuit et se mettent à prier en marmonnant différents mots parmi lesquels ils répètent souvent celui de Maté, qui signifie « tuer ». Cette prière dure environ une demi-heure, puis ils retournent se coucher. Ils ont aussi dans toutes les maisons un gros poteau planté dans le milieu sur lequel est sculptée une figure hideuse. Lieutenant second Ledez, juin 1772. Je n'ai pas pu découvrir s'ils reconnaissent un être au-dessus d'eux et s'ils lui rendent un culte. La seule chose qui m'a paru avoir quelque rapport avec un dieu est une figure grotesque avec une tête humaine. Sa bouche est ouverte et sa langue pendante. Les bras et le corps finissent par une queue repliée qui ressemble à un lézard. Je reprends le témoignage maori recueilli en 1830. Il nous raconte la fin de Marion et d'une partie de son équipage. Peu de temps après, les Français viennent sur le rivage pour laver leurs vêtements. Pendant qu'ils prennent leur repas, les Maoris prennent les vêtements qui sèchent sur les branches. Ils les prennent en compensation pour la violation du tapou, avoir mangé des poissons pêchés dans la baie interdite. Un jour plus tard, les étrangers reviennent pêcher et les Naktipu apprennent que Marion a fait emprisonner certains de leurs hommes. Quand les Français rangent leurs filets, les Maoris les attaquent et les frappent à mort. Ils les tuent tous. Personne n'en réchappe. Les hommes prennent leurs corps et les cuisent. Takuri, Toitapu et Tekoroa mangent Marion et Takuri prend les vêtements de Marion. Les os des étrangers sont transformés en fourchettes pour piquer dans la nourriture et les os de la cuisse sont transformés en flûtes. Fin ironique pour un chef d'expédition. Être mangé lors d'un banquet rituel par ceux-là même à qui il vouait une affection sincère. Marion était un homme rare en vérité. Sa curiosité envers les habitants est à la fois admirable et téméraire. Marion est resté non seulement sourd aux avertissements qu'il a reçus, mais il n'a sans doute jamais compris qu'il avait transgressé un des tapous les plus puissants, le tapou de la mort. Manger les poissons pêchés dans la baie interdite était une attaque contre le tapou du corps des noyés et contre le corps de la tribu. Cette profanation a déclenché une suite de réactions logiques dans un monde dominé par des puissances invisibles. Cette nuit-là, je rêve. King Gijon me sourit. Son visage ne porte pas de moko. Nous nous promenons sur la plage, main dans la main. Nous sommes jeunes et beaux. Nous nageons dans l'eau transparente et tout est possible. Ensuite, je ne sais plus. Je me réveille, il fait froid. J'ai dormi la fenêtre ouverte. Kingi m'est apparu en rêve sans son tatouage. Il n'avait pas encore reçu des anciens la lourde responsabilité de mener la tribu. Le rêve me dit d'aller à Wetangi et de revoir Kingi. Kingi m'a donné rendez-vous au marae de Wetangi, la maison commune. Il vient avec sa fille aînée et plusieurs membres de la tribu. Chacun chante pour m'accueillir. La rencontre prend un tour très solennel et je dois faire le hongi à 7 personnes. L'expérience du salut traditionnel est toujours aussi forte. Il y a dans cette coutume une douceur déroutante. Le contact avec la peau des autres, le souffle des autres, relève en Occident de l'expérience intime. Et ici, en Nouvelle-Zélande, c'est une manière publique d'accueillir un étranger dans la communauté. Je dépose devant Kingi le pendentif en dents de cachalot que mon ancêtre a rapporté de la baie des îles. Kingi le prend dans ses mains et le fait circuler parmi la petite assemblée. Un ancien ferme les yeux et invoque le pendentif par son nom, le Reinio Parawa. Mon intention était de donner ce pendentif à Kingi, mais ici dans le marae, mon geste devient politique. Il engage les anciens de la tribu. Il s'inscrit dans une vision postcoloniale, la politique de rapatriement que les Maoris mènent depuis plusieurs années pour récupérer les objets de leurs ancêtres. Je reste seule avec Kingi. Il répond de bon gré à mes dernières questions. Quelle est la signification de la cérémonie du 8 juin 1772 au cours de laquelle Marion est fêté comme un chef? Pour lui, cette cérémonie a scellé son arrêt de mort. Il est probable que les deux chefs qui sont venus chercher Marion sur le bateau étaient des descendants de groupes qui vouaient une haine farouche à Takuri et qui voulaient le renverser. Ils étaient admiratifs que Marion ait lancé un aussi grand défi au tapu de Takuri. C'est pour cette raison qu'ils ont mené Marion sur une colline qui surplombait le village de Takuri et l'ont honoré avec une couronne de plumes, la marque des grands chefs. Si cette interprétation est la bonne, Takuri doit avoir été furieux. Non seulement le tapu de ses hommes morts a été offensé, mais un grand défi a été lancé à son mana. Takuri n'avait pas d'autre choix. Il devait chercher la revanche, car sinon, les fantômes des morts l'auraient hanté et les dieux de la tribu l'auraient abandonné. C'était La trop brève histoire de Marion Dufresne et des Maoris. 9 mai, 13 juillet 1772. De Delphine Morel. 4e épisode, Le manuscrit. Une émission proposée par Emmanuel Chevrier. Avec Delphine Morel, la narratrice. Laurent Cléry, enseigne de vaisseau chevillard de Montaison. Bruno Pavio, enseigne de vaisseau roux. François Hatt, garde de la marine du Clémeur. Gérard Boucaron, capitaine en second Crozet, Nicolas Racca, lieutenant Ledez, et les voix de Marina Moncade, Emmanuel Lemire. Assistance technique et montage, Pierre Henry. Prise de son et mixage, Pierrick Charles. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Les extraits de journaux de bord de l'équipage du marquis de Castries et du Mascarin sont issus des Archives nationales de France, des archives de la famille Bougainville et des Archives nationales de Tasmanie.